Vous êtes la maîtresse de cette auberge? Oui, monsieur. Où sommes-nous? À Ittenheim. Combien de lieues d'ici à Strasbourg? Deux. Il ne reste par conséquent qu'une poste d'ici à la ville. Oui, monsieur. Combien de voitures ont relayé chez vous aujourd'hui? Deux seulement. Quels étaient les voyageurs? Dans la première, un homme âgé avec sa famille. Et dans l'autre? Un jeune homme avec sa femme ou sa sœur. C'est tout? C'est tout. C'est bien elle que j'ai rejointe et dépassée à deux lieues de ce village en sortant de Vaslone. Dans une demi-heure ou trois quarts d'heure, elle sera ici. C'est bon. Monsieur, repartir. Non, je reste. Combien de chevaux de poste dans votre écurie? Quatre. Quand vous en manquez, est-il possible de s'en procurer dans ce village? Non, monsieur. J'aperçus en entrant sous la remise une vieille berline. Est-elle à vous? Un voyageur nous a chargé de la vendre. Combien? Mais... Faites vite, je n'ai pas le temps. 20 louis. Combien de chambres vacantes dans votre auberge? Deux. Celle-ci? Et celle-là? Je les retiens. Toutes deux? Oui. Si cependant un voyageur était obligé de rester ici cette nuit, vous me le diriez. Peut-être en céderai-je une. Monsieur a autre chose à commander? Qu'on mette à l'instant, vous entendez à l'instant même les quatre chevaux à la berline que je viens d'acheter. Et que le postillon soit prêt dans 5 minutes. C'est tout? C'est tout. J'ai d'ailleurs mon domestique avec moi. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous ferai appeler. Oui? Monsieur? Tu me sers depuis 10 ans. Oui, monsieur. As-tu jamais eu à te plaindre de moi? Jamais. Crois-tu que tu trouverais un meilleur maître? Non, monsieur. Alors tu m'es dévoué, n'est-ce pas? Autant qu'on peut l'être. Tu vas monter dans la berline qu'on attelle et tu partiras pour Strasbourg. Seul? Seul. Tu connais le colonel d'Hervé? Oui. Tu prendras un habit bourgeois. Tu logeras en face de lui. Tu te lieras avec ses domestiques. Si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'importe quelle époque, tu apprends qu'il va revenir à Paris, tu partiras franc étrier pour le dépasser. Si tu apprends qu'il est parti, rejoins-le, dépasse-le pour m'en avertir. Tu auras 100 francs pour chaque heure que tu auras d'avance sur lui. Voici ma bourse. Quand tu n'auras plus d'argent, écris-moi. Est-ce tout? Non. Tu retiendras le postillon le faisant boire, de manière qu'il ne revienne avec les chevaux que demain matin, ou fort avant dans la nuit. Maintenant, pas un instant de retard, sois vigilant, sois fidèle et pars. S'applaudissant de m'avoir trompé. Et dans les bras de son mari, elle lui racontera tout. Elle lui dira que j'étais à ses pieds, oubliant mon nom d'homme et rampant. Elle lui dira qu'elle m'a repoussé. Puis entre deux baisers, ils riront de l'insensé Anthony, d'Anthony le bâtard. Eux rire, puis le démon. N'ai-je pas entendu? Oui. Oui, le roulement d'une voiture. C'est heureux qu'il fasse nuit. Cette voiture, c'est la sienne. Adèle. Cette fois encore, je me jetterai au-devant de toi. Mais ce ne sera pas pour te sauver. Sa voix si douce, qui disait hier, à demain mon ami, à demain, demain est arrivé, je suis au rendez-vous. Monsieur, une dame forcée de s'arrêter ici a besoin d'une chambre. Vous avez eu la bonté de dire que vous céderiez une de celles que vous avez retenues. Si monsieur est toujours dans les mêmes intentions, je le prierai de me dire de laquelle des deux il veut bien disposer en ma faveur. Mais celle-là, je crois que c'est la plus grande et la plus commode, je me contenterai de l'autre. Et quand, monsieur? Tout de suite. La porte ferme en dedans. Cette dame sera chez elle. Je vous remercie, monsieur. Madame, vous pouvez venir. Pas ici. Là. vite, il n'y a pas moyen de se procurer de chevaux. Madame, les quatre derniers sont partis il n'y a pas un quart d'heure. Quand reviendront-ils? Cette nuit. Mon Dieu, au moment d'arriver, quand il n'y a plus d'ici à Strasbourg que deux lieues. Oh, cherchez, cherchez. Il y a bien un autre moyen. Je n'en connais pas. Pourtant, si le postillon qui a amené madame était encore en bas, peut-être consentirait-il à doubler la poste. Oui, demandez-lui. Dites-lui que ce qu'il voudra, je le lui donnerai. Allez. Il y sera encore, il consentira. Et dans une heure, je serai près de mon mari. Eh bien, il n'y était déjà plus. L'étranger qui vous a cédé cette chambre lui a dit quelques mots de sa fenêtre, il est reparti à l'instant. Il n'y a pas moyen de partir avant le retour des chevaux. Non, madame. Bon, ben, c'est bien, laissez-moi. Si madame a besoin de quelque chose, elle sonnera. D'où vient que je suis presque contente de ce retard? C'est qu'à mesure que je me rapproche de mon mari, elle me semble entendre sa voix, voir sa figure sévère. Que lui dirais-je pour motiver ma fuite? Que je craignais d'en aimer un autre? Cette crainte seule aux yeux de la société, au sien, est presque un crime. Si je lui disais que le seul désir de le voir, ce serait le tromper. Peut-être suis-je partie trop tôt, et le danger n'était-il pas aussi grand que je le croyais? Avant de le revoir, lui, je n'étais pas heureuse, mais du moins j'étais calme. Chaque lendemain ressemblait à la veille. Mais son amour à lui, son amour. Être aimé ainsi, pouvoir l'avouer à Dieu et au monde. Être la religion, l'idole, la vie d'un homme comme lui, si supérieur aux autres hommes. Lui rendre tout le bonheur que je lui devrais, et puis des jours nombreux qui passeraient comme des heures. Voilà pourtant ce qu'un préjugé m'a enlevé. Voilà cette société si juste qui punit en nous une faute que ni l'un ni l'autre de nous n'a commise. Et en échange, que m'a-t-elle donné? Quelqu'un! Quelqu'un, madame! Je meurs ici! Voilà. Madame Appel? Oui, je veux partir. Les chevaux sont-ils revenus? Ils partaient à peine quand madame est arrivée. Je ne les attends que dans 2 ou 3 heures. Madame devrait se reposer. Où? Mais dans ce cabinet, il y a un lit. Ne ferme pas ce cabinet. La porte ferme en dedans. Je puis être sans crainte ici. Que pourrait craindre madame? Oh, rien, je suis folle. Surtout, venez me prévenir dès le retour des chevaux. Aussitôt, madame. Dites-moi. Il n'est jamais arrivé d'accident dans cet hôtel? Jamais? Si madame veut, je ferai veiller quelqu'un. Non, pardonnez-moi. Laissez-moi. Eugène d'Hervilly. Madame? Ah, vous voilà. Vous êtes charmant. Et d'une exactitude qui ferait honneur à un algébriste. C'est beau pour un poète. Il y a des circonstances où l'exactitude n'est pas une vertu bien surprenante. C'est vrai. Tant mieux. Ma toilette est-elle à votre goût? Charmante. Vous rappelez-vous cette robe? Cette robe? Oubliez, je l'avais la première fois que je vous vis. Ah oui, chez... Chez madame Amédée de Valls. Oh, il n'y a que les femmes pour avoir ce genre de mémoire. Ce devrait être le grand jour, le beau jour de votre existence. Vous rappelez-vous cette dame qui ne nous a pas quitté des yeux? Oui, madame de Caen. Cette brune, oui. Dont on heurte toujours le pied, qui, lorsqu'on lui fait des excuses, fait semblant de ne pas comprendre et répond « Oui, monsieur, pour la première contre-dame. » Oh, à propos, je l'ai revue depuis que vous m'avez quittée. Et je me suis disputée avec elle, mais disputée à m'en rouer. Oh, mon Dieu, et sur quoi donc? Sur la littérature. Vous savez que je ne parle plus que littérature. C'est à me compromettre. Ah, c'est votre faute, cependant. Si vous me rendiez en amour ce que je risque pour vous, au moins. Comment? Est-ce que je ne vous aimerais pas comme vous voulez être aimé? Il le demande. Quand j'ai vu qu'un poète s'occupait de moi, j'en ai été enchantée. Je me suis dit, ah, je vais connaître des émotions profondes et nouvelles. Une tête passionnée, une âme ardente. Pas du tout. Vous m'avez aimé comme aurait fait un agent de change. Ben, voulez-vous me dire, s'il vous plaît, où vous prenez toutes ces scènes de feu qui vous ont fait réussir au théâtre? Car c'est là que réside le succès de vos pièces, et non dans l'historique, les mœurs, la couleur locale, enfin que sais-je. Je vous en veux mortellement de m'avoir trompée. Et de rire encore. Écoutez, moi aussi j'ai cherché partout cet amour délirant dont vous parlez. Moi aussi je l'ai demandé à toutes les femmes. 10 fois j'ai été sur le point de l'obtenir d'elles. Mais pour les unes, je ne faisais pas assez bien le nœud de ma cravate. Pour les autres, je sautais trop en dansant et pas assez en valsant. Une dernière allait m'aimer à l'adoration lorsqu'elle s'est aperçue que je ne dansais pas le galop. Bref, il m'a toujours échappé au moment où je croyais être sûr de l'avoir inspiré. Mais voyez quand même, Anthony, voilà comme j'aurais voulu être aimée. Non, mais c'est autre chose. Prenez-y garde, madame. Un amour comme celui d'Anthony vous tuerait du moment que vous ne le trouveriez pas ridicule. Vous n'êtes pas comme Madame d'Hervey. Une femme au teint pâle, aux yeux tristes, à la bouche sévère. Votre teint rose et vos yeux sont pétillants, votre bouche. Et de violentes passions détruiraient tout cela. Ce serait dommage. Vous, bâti de fleurs et de gaz, vous voulez aimer, être aimé d'amour. Prenez-y garde, madame. Vous m'effrayez. Madame de Caen. Votre antipathie. Je l'avoue. Mais entrez donc. J'arrive de bonne heure, chère Marie. Il est si embarrassant pour une veuve de se présenter seule au milieu d'un bal. On sent tous les regards se fixer sur vous. Il me semble que c'est un malheur que moins que tout autre vous devez craindre. Vous me flattez. Est-ce que vous m'en voulez encore de notre petite querelle littéraire? C'est vous qui la rendez romantique, monsieur. C'est un péché duquel vous rendrez compte au jour du jugement dernier. Je ne sais trop par quelle influence je pourrais. Là. Ni moi non plus. Mais le fait est qu'elle ne dit plus un mot de médecine. Et que Bichat, Brousset, Gall et monsieur Delaunay sont complètement abandonnés au profit de Shakespeare, Schiller, Goethe et vous. Oh, méchant. Vous feriez croire à des choses. Oh, ce n'est qu'une plaisanterie. Et qui aurons-nous à notre belle soirée? Tout Paris. Oui, d'abord. Puis la présentation de jeunes gens qui dansent, cela est fort précieux. L'espèce en devient de jour en jour plus rare. Ah, et Adèle d'Hervet qui rentre dans le monde. Oui. Qu'elle avait abandonné sous prétexte de mauvaise santé. Depuis 3 mois. Depuis son départ. Depuis son aventure dans une auberge. Que sais-je, moi? Comment, chère Marie, vous recevez cette femme? Eh bien, vous avez tort, vous ne savez donc pas. Je sais qu'on dit 1000 choses dont pas une n'est vraie, sans doute. Et Adèle est une amie à moi. Oh, mais ce n'est point non plus un reproche que je vous fais. Vous êtes si bonne. Vous n'aurez vu dans cette invitation qu'un moyen de la réhabiliter. Mais ce serait à elle à comprendre qu'elle est déplacée dans un certain monde. Et si elle ne le comprend pas, ce serait charité que de le lui faire sentir. Si son aventure n'avait pas fait tant d'éclat encore. Mais enfin, pourquoi sa sœur s'empresse-t-elle de dire qu'elle est partie rejoindre son mari et quelques jours après on la voit revenir? Monsieur Anthony, absent avec elle, revient en même temps qu'elle. Vous l'avez sans doute invité aussi, monsieur Anthony? Certes. Je Je serai enchantée de le voir, monsieur Anthony. J'aime beaucoup les problèmes. Comment? Sans doute. N'est-ce point un problème vivant au milieu de la société qu'un homme riche, dont on ne connaît ni la famille, ni l'État? Quant à moi, je ne sais qu'un métier qui dispense d'un État et d'une famille. Oh, mais madame! Oh, sans doute. Mais rien n'est aussi dramatique que le mystérieux au théâtre ou dans les romans, mais dans le monde. Monsieur Olivier de Louvain. Bonjour, monsieur Olivier. Je suis enchantée de vous voir. Nous aurons tout à l'heure ici monsieur Anthony. J'ai pensé qu'il vous serait agréable de le rencontrer. Bonsoir. Voilà pourquoi mon invitation était si pressante. Bonjour, docteur. Eh bien, mon ami, les succès. Eh bien, mon cher, les malades. Siffle-t-on toujours? Meurt-on quelquefois? Madame la baronne d'Hervet. L'héroïne de l'aventure que je vous racontais. Chère Adèle, vous n'avez pas amené votre sœur Clara? Non, il y a déjà quelques jours qu'elle est partie pour aller rejoindre son mari. Mais nous la reverrons probablement bientôt. Ces voyages-là ne sont point ordinairement de longue durée. Permettez-moi de vous présenter monsieur Eugène d'Hervilly, que vous connaissez certainement de nom. Monsieur, je suis bien indigne. J'ai été souffrante il y a 3 mois et je suis à peine sortie. Par conséquent, je n'ai pu admirer votre dernier ouvrage. Mais profane, allez-y, vite. Je vous enverrai ma loge la première fois qu'on la jouera. Vous m'en ferez souvenir. Monsieur Anthony. Vous achevez sans doute quelque chose. Oui, madame. Toujours du Moyen-Âge. Toujours. Pourquoi ne pas attaquer un sujet au milieu de notre société? C'est ce que je lui dis à chaque instant, faites de l'actualité. N'est-ce pas qu'on s'intéresse bien davantage aux personnages de notre époque habillés comme nous, parlant la même langue? Oh, mais il existe encore des amours profondes qu'une absence de 3 ans ne peut éteindre. Des chevaliers mystérieux qui sauvent la vie à la dame de leur pensée. Des femmes vertueuses qui fuient leur amant. Et comme le mélange du naturel et du sublime est à la mode, des scènes qui n'en sont que plus dramatiques pour s'être passées dans une chambre d'auberge. Je peindrai une de ces femmes. Madame, auriez-vous par hasard ici un frère ou un mari? Que vous importe, monsieur. Je veux le savoir, moi. Non. Alors, honte au lieu de sang. Oui, madame a raison, monsieur. Et puisqu'elle s'est chargée de vous tracer le fond du sujet, je me chargerai, moi, de vous indiquer les détails. Oui, je prendrai cette femme pure et innocente entre toutes les femmes. Je montrerai son cœur aimant et candide, méconnu par cette société fausse, au cœur usé et corrompu. Je mettrai en opposition avec elle une de ces femmes dont toute la moralité serait l'adresse, qui ne fuirait pas le danger parce qu'elle s'est depuis longtemps familiarisée avec lui, qui abuserait de sa faiblesse de femme pour tuer lâchement une réputation de femme, comme un spadassin abuse de sa force pour tuer une existence d'homme. Je prouverai que la première des deux qui sera compromise sera la femme honnête, et cela non point à défaut de vertu, mais par manque d'habitude. Puis, face à la société, je demanderai justice entre elles ici-bas, en attendant que Dieu la leur rendit là-haut. Allons, mesdames. C'est assez longtemps causé littérature. La musique vous appelle en place pour la danse. Madame, aurais-je l'honneur? Je vous rends grâce, monsieur. Je ne danserai pas. Adieu, chère vicomtesse. Comment, vous partez? Oh, après cette scène affreuse! Vous l'avez un peu provoqué, convenez-en. Pourquoi suis-je venue, mon Dieu? Je doutais encore. Tout est donc connu. Tout non pas. Mais bientôt tout. Perdu. Perdu à jamais. Que faire? Sortir? Tous les yeux se fixeront sur moi. Restez. Toutes les voix crieront à l'impudence. Vous êtes bonne. Dites-vous que vous êtes folle, vous pleurez. Pensez-vous donc que ce soit sans motif? Pour un mot. Un mot qui tue. Mais cette femme tuerait 20 réputations par jour si on la croyait. On ne la croira pas, n'est-ce pas? Oh, tu ne la croiras point, toi. Merci. Merci. Aussi, chère Adèle, il faut savoir composer votre visage. Je ne le sais pas, moi. Quand, comment l'aurais-je appris? Je ne le saurais jamais. Mais si, enfant, je disais comme vous. On entend de par le monde mille choses qui doivent glisser sans atteindre. Et si elles atteignent, eh bien, un regard calme, un sourire indifférent. Marie, mais voilà qui est affreux. C'est que vous-même, vous pensiez déjà ceci de moi. Qu'un jour viendra où j'accueillerai le mensonge, je ne reculerai pas devant l'injure. Où je verrai devant moi, avec un œil calme, un sourire indifférent, ma réputation de femme et de mère, comme un jouet d'enfant passé entre des mains qui la brisent. Oh, mon cœur, plutôt qu'on le déchire, qu'on le torture. Alors je resterai calme, indifférente. Mais ma réputation... Enfin, Marie, vous savez, si jusqu'à présent elle était pure, si une voix dans le monde avait osé lui porter atteinte... Voilà justement ce qu'elle ne vous pardonne pas. Voilà ce qu'une femme doit expier un jour ou l'autre. Et que vous importe si votre conscience vous reste. Oui. Oui, si la conscience reste. Si rentrez chez vous, seule avec vous-même, vous pouvez vous regarder dans la glace en souriant et dire calomnie. Si vos amis continuent à vous voir. Rigueur pour mon rang, pour ma position. S'ils vous tendent les mains, vous embrassent, voyons. Adèle. On va répéter sa partie. Elle dira que je n'ai pas osé la regarder en face et qu'elle m'a fait rougir et pleurer. Mais mon Dieu, elle... Mais calmez-vous, je suis obligée de vous quitter. Oui, votre absence attristerait le bal. J'ai promis à Eugène la première contredanse. Adèle, mon amie, vous ne pouvez pas entrer comme cela, remettez-vous. Je viendrai vous chercher tout à l'heure. Et dites-vous bien que le monde entier vous abandonna-t-il. Il vous restera encore une bonne amie, un peu folle peut-être. Mais au cœur franc, qui sait qu'elle vaut 20 fois moins que vous. Et je vous enlève 20 fois davantage. Embrassez-moi. Essuyez ces beaux yeux gonflés de larmes. Et revenez vite faire mourir toute cette femme de jalousie. Au revoir. Je vais veiller à ce qu'on ne vous dérange point. Mon Dieu, mon Dieu. Non, je vous en veux pas, Anthony. Adèle, vous êtes un ange. Je vous l'avais bien dit, qu'on ne pouvait rien cacher à ce monde qui nous entoure de tous ses liens, qui nous épie de tous ses yeux. Vous avez voulu que je vienne. Je suis venue. Oui. Et vous avez été insultée lâchement. Insultée. Et moi, j'étais là, je ne pouvais rien, c'était une femme qui parlait. 10 années de ma vie dussent-elles se passer avec vous, je les aurais données pour que ce fût un homme qui dit ce qu'elle a dit. Moi, je lui ai rien fait. Du moins, s'est-elle rendue justice en se retirant? Oui. Oui. Mais ces paroles empoisonnées étaient entrées dans mon cœur. Et dans le cœur de toutes les personnes qui étaient là. Vous n'entendiez que le fracas de la musique et le bruissement du parquet. Mais moi, au milieu de tout cela, j'entendais bruire mon nom sans fois répété. Mon nom qui est celui d'un autre, qui me l'a donné pur et que je lui rends souillé. Oh. Il me semble que toutes ces voix qui bourdonnent autour de moi ne sont qu'une même phrase répétée par 100 voix. Maîtresse. Mon Adèle, mon ami. Et puis quand je rentrerai chez moi, car je ne puis rester toujours ici, ils se parleront bas, leurs yeux dévoreront ma rougeur. Ils verront la trace de mes larmes, ils diront elle a pleuré, mais il la consolera, lui, car c'est sa maîtresse. Adèle. Les femmes s'éloigneront de moi. Les mères diront à leurs filles, tu vois cette femme, elle avait un mari qui la rendait heureuse, un mari honorable. Rien ne peut excuser sa faute. C'est une femme perdue, une femme qu'il ne faut pas voir. C'est sa maîtresse. Tais-toi. Parmi toutes ces femmes, quelle femme est plus pure et plus innocente que toi? Tu as fui. C'est moi qui t'ai poursuivi. J'ai été sans pitié à tes larmes, sans remords à tes gémissements. C'est moi qui t'ai perdu, moi qui suis un misérable, un lâche. Je t'ai déshonoré et ne puis rien réparer. Dis-moi, que faut-il faire pour toi? Y a-t-il des paroles qui consolent? Demande ma vie, mon sang. De grâce, que veux-tu? Qu'ordonnes-tu? Rien. Vois-tu, il m'est passé là souvent une idée affreuse. C'est qu'une fois, une seule fois dans ton cœur, tu as pu te dire. Elle m'a cédé, elle pouvait donc céder à un autre. Que je meure si cela est. Alors pour toi aussi, je serai une femme perdue. Toi aussi, tu dirais, c'est ma maîtresse. Tu es ma vie, mon âme, mon amour. Dis-moi, Anthony. Si j'étais libre, m'épouserais-tu? Sur Dieu et sur l'honneur, oui. Sans crainte, sans hésitation. Avec ivresse. Oh, merci. Il me reste donc Dieu et toi. Que m'importe le monde? Dieu et toi savaient qu'une femme ne pouvait résister à tant d'amour. Ces femmes si vaines, si fières, et succombé si mon Anthony les eût aimées. Mais il ne les eût pas aimées, n'est-ce pas? Non. Car quelle femme peut résister à mon Anthony? Ce que je dis est folie. Mais je veux être heureuse. Encore. J'oublierai tout pour ne me souvenir que de toi. Que m'importe ce que le monde dira. Je verrai plus personne. Je m'isolerai avec notre amour. Tu me répéteras à chaque instant que tu m'aimes. Que tu es heureux. Que nous le sommes. Je te croirai. Car je crois en ta voix. Tout ce que tu dis, quand tu parles, tout en moi s'arrête pour t'écouter. Mon cœur n'est plus serré, mon front n'est plus brûlant. Mes larmes s'arrêtent, mes remords s'endorment. J'oublie. Non, je ne te quitterai plus. Je prendrai tout sur moi. Et que Dieu me punisse. Nous serons heureux ensemble. Oh, je suis heureux. Marie! Oh, monsieur. Ce n'est qu'après vous avoir cherché vainement partout que je suis entrée ici. Sans doute, madame, un motif bien important. Un homme qui se dit votre domestique veut vous voir, ne veut parler qu'à vous. Il dit qu'il y va de la vie et de la mort. Un domestique à moi? Qui ne veut parler qu'à moi? Non, madame, faites l'entrée, je vous en prie. Et dites à Adèle, à la baronne de venir, vous êtes sa seule amie. Oui, j'y cours, faites l'entrée. Louis, qui te ramène? Le colonel Dervé est parti hier matin de Strasbourg. Il sera ici dans quelques heures. En quelques heures? Adèle! Elle est déjà partie. Chez elle? Mon Dieu, arriverai, j'attends. Si j'ai besoin de vous, je sonnerai. Madame va rester seule? Laissez-moi. Oh, me voilà donc seule, enfin. Je puis rougir et pleurer seule. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette fatalité à laquelle vous permettez d'étendre les bras au milieu du monde, de saisir une femme qui avait toujours été innocente et qui croyait toujours l'être, de l'entraîner malgré ses cris et ses larmes, brisant tous les appuis qui lui servaient d'attache et faisant sa perte à elle de ce qui ferait le salut d'un autre. Vous permettez, oh mon Dieu, que cette femme soit vue avec les mêmes yeux, poursuivie des mêmes injures que celles qui se font un jour de leur déshonneur. Est-ce justice? Une amie encore. Une seule me consolait au milieu du monde. C'était trop de bonheur, pas assez de honte. Elle me trouve entre ses bras, abandonnée. Oh, Anthony, Anthony! Me poursuivras-tu donc toujours? Adèle, il faut me suivre. Vous, pourquoi? Adèle, tu sais si ma vie est à toi. Si je t'aime avec délire, eh bien par ma vie et mon amour, il faut me suivre à l'instant. Mais que se passe-t-il donc? Adèle, si je te disais, la maison voisine est en proie aux flammes. Les murs sont brûlants, l'escalier chancelle, il faut me suivre. Viens, tu restes encore plus de... Non, dis-moi, Anthony, j'appelle, je crie. Il faut donc tout te dire. Bien du courage, Adèle. Dans une heure, ton mari sera ici. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne se peut pas. C'est pas l'époque de son retour. Et si des soupçons le ramènent? Si des lettres anonymes ont été écrites. Des soupçons, mais alors je suis perdue. Oh non, sauvez-moi, vous. Mais vous n'avez rien résolu, vous le saviez, vous aviez le temps de chercher, mais moi. Vous voyez bien, j'ai la tête renversée. Il faut d'abord te soustraire à une première entrevue. Et puis nous prendrons conseil de tout, même du désespoir. Écoute. Je suis libre, moi. Partout où j'irai, ma fortune me suivra. Puis me manqua-t-elle, j'y supplierai facilement. Une voiture est en bas. Écoute-moi et réfléchis qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si un cœur dévoué, si une existence d'homme tout entière que je jette à tes pieds te suffisent, dis oui. L'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne nous offrent un refuge. Je t'arrache à ta famille, à ta patrie, eh bien je serai pour toi et famille et patrie. En changeant de nom, nul ne saura qui nous sommes pendant notre vie. Nul ne saura qui nous avons été après notre mort. Nous vivrons isolés. Tu seras mon bien, ma vie, mon Dieu. Je n'aurai d'autre volonté que la tienne, d'autre bonheur que le tien. Mais viens, viens, oui. Oublions les autres pour ne nous souvenir que de oui. nous. Oui, à moi, Clara. Nous n'avons pas une minute à perdre. Oh, ma fille, il faut que j'embrasse ma fille. Vois-tu, c'est un dernier adieu. Un adieu éternel. Bien, va, va. Mais qu'as-tu donc? Mon fille. Qui était ma fille? À qui on demandera compte un jour de la faute de sa mère? Qui vivra? Mais qui ne vivra plus pour elle? Ma fille qui croira se présenter pure et innocente. Tu seras déshonorée comme sa mère. Et par sa mère. Eh bien, emmenons-la. Qu'elle vienne avec nous. Hier encore, j'aurais cru ne pouvoir l'aimer, cet enfant d'un autre et de toi. Eh bien, elle sera ma fille, mon enfant chéri. Je l'aimerai comme celui qui... Mais prends-la et partons. Chaque instant te perd. Mais à quoi songes-tu? Il va venir, il vient, il va. Où m'as-tu conduite? Où en suis-je venue? Un homme me confie son nom, met en moi tout son bonheur. Tu viens il y a 3 mois, mon amour éteint se réveille. Et je brise tous les bonheurs qui reposaient sur moi. Et c'est pas tout. Non, c'est pas encore tout. Je lui enlève sa fille. Je déshérite ses vieux jours, des caresses de son enfant. Et en échange de tout son amour, je lui rends honte, malheur, abandon, ensevelie, sais-tu que c'est infâme? Alors que faire? Rester. Et quand il découvrira tout? Il me tuera. Te tuer. Lui te tuer. Moi te perdre. Toi mourir. C'est impossible. Tu ne crains donc pas la mort, toi? Non, non, elle réunit. Elle sépare. Et penses-tu que je crois à tes rêves, moi? Et que sur eux j'ai risqué ce qui me reste de vie et de bonheur? Tu veux mourir, et bien moi aussi je le veux. Mais je ne veux pas mourir seul. Vois-tu? Et je ne veux pas que tu meures seul. Je serai jaloux du tombeau qui te renfermerait. Béni soit Dieu qui a voulu que j'ai une vie isolée, que je puisse quitter sans coûter des larmes à des yeux aimés. Béni soit Dieu qui a permis qu'à l'âge de l'espoir, j'eusse tout épuisé et fusse fatigué de tout. Un seul lien m'attachait à ce monde, il se brise. Eh bien, moi aussi, mais avec toi, je veux que les derniers battements de nos cœurs se répondent, que nos derniers soupirs se confondent. Comprends-tu? Une mort douce comme un sommeil. Une mort plus heureuse que toute notre vie. Et puis qui sait, peut-être après, par pitié, jetera-t-on nos corps dans le même tombeau. Oui. Oh, mourir avec toi. L'éternité dans tes bras. Ce serait le ciel. Si ma mémoire pouvait mourir avec toi, mais comprends-tu, Anthony? Cette mémoire, elle restera vivante au cœur de ceux qui nous ont connus. On demandera compte à ma fille de ma vie et de ma mort. On lui dira ta mère. Elle a cru qu'un nom taché se lavait avec du sang. Enfant, ta mère s'est trompée. Son nom est à jamais déshonoré. Et toi, tu portes le nom de ta mère. On lui dira. Elle a cru laver sa honte en mourant. Elle est morte dans les bras de l'homme à qui elle devait sa honte. Et si elle veut nier, on lèvera la pierre de notre tombeau. Et on lui dira, regarde, les voilà. Oh, nous sommes maudits. Ni vivre, ni mourir. Non. Non, tu vois, tu me perds en voulant me sauver. Tu ne peux plus qu'une chose. Va-t'en, mais va-t'en. M'en aller. Te quitter. Alors qu'il va revenir, lui. T'avoir reprise et te reperdre. Enfer. Et s'il ne te tuait pas, s'il te pardonnait. Avoir commis pour te posséder rapt, violence et adultère. Et pour te conserver, hésiter devant un nouveau crime. Perdre mon âme pour si peu. Non, non, tu es à moi comme l'homme de ton malheur. C'est une enfant. Demain, elle rira. Oh mon Dieu, c'est lui qui a pitié de moi. Non. Non. Allons. Tout est fini. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je ne veux pas fuir, moi. Tu disais tout à l'heure que tu ne craignais pas la mort. Non. Oh, tue-moi, par pitié! Une mort qui sauverait ta réputation. Celle de ton enfant. Je te le demanderai à genoux. Ouvrez! Ouvrez, nous enfonce la porte! Et dans les derniers soupirs, ouvrez! Tu ne haïrais pas ton assassin. Je le bénirai, mais hâte-toi! Hâte-toi! Ne crains rien. La mort sera ici avant lui. Mais songe-y. La mort. Je la désire, je la veux, je viens la chercher. Eh bien, meurs. Elle me résistait.